Bonsoir, mes chers auditeurs, bonsoir, comme disait autrefois un présentateur de radio, Jean Granier, Grenier, je ne me rappelle plus, que vous n'avez peut-être pas connu. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Georges, Guéhergone, le travail de la terre, où en principe, autrefois, on fêtait le début des travaux dans les champs, où il ne fallait plus marcher, en tout cas dans les prés, en tout cas c'est toujours de vigueur, et c'est une fête où le Saint-Georges et le pendant de Saint-Michel, les deux sont des pourfendeurs du dragon. Les dragons représentent l'hiver, l'amorosité, la fin de l'amorosité hivernale est marquée par cette fête, cette Saint-Georges, qui est le pendant effectivement de la Saint-Michel. Alors ce soir, eh bien, pour fêter ce retour à la culture vivante, et donc culture aussi de nos cœurs, eh bien, trois sujets qui le marquent. La marche fleurie, la troisième, qui a eu lieu à Épinal le 18 avril. La sélénite du mois dernier, qui est la célébration depuis, c'est la huitième celle-ci, la célébration de la pleine lune, de ses énergies poétiques, culturelles, et en attendant la prochaine sélénite du 26 avril, qui elle tournera autour d'un événement mondial, la lecture de la supplication de Svetlana Alexievitch en mémoire malheureusement de Tchernobyl. Et ce sont des femmes du monde entier qui liront ce texte, le prologue en tout cas, partout dans le monde, en diverses langues. Et il y aura aussi le 25 avril, quelque part dans les Hautes-Vosges, en présentiel, une célébration, une lecture de la même façon. Et il y aura ensuite ce soir une nouvelle manifestation culturelle qui est l'Agora, l'Agora culturelle, dont nous entendrons aussi une bonne partie. Alors, pour commencer, la marche fleurie. La marche fleurie, eh bien, la première partie, et vous allez l'écouter, elle a été lancée à l'appel du collectif citoyen. Il y avait un peu moins de monde que les fois d'avant, enfin 200 personnes quand même, ce qui est très bien, compte tenu de la non-participation d'une des principales organisations habituelles à cette manifestation, qui est le collectif Réseau d'être, qui ne s'est pas associé pour des raisons de confinement à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc ce coup-ci, il y avait un peu moins d'appels, un peu moins de monde, mais il y avait quand même tout le collectif citoyen qui, depuis fin janvier d'ailleurs, fleurit sans organisation précise au départ, fleurit les lieux de culture, cinéma, théâtre, bar, etc. Alors vous écouterez donc dans cette première partie de la marche fleurie, d'abord Nico, un des organisateurs, un des lanceurs de cet appel, et lui-même il est patron de bar, d'un bar culturel. Il y a la fanfare de l'ENSIB qui se retrouve maintenant, qui a assuré la musique tout le long, l'ENSIB qui était aussi à la marche du climat il y a 15 jours. Et vous écouterez aussi dans cette partie-là mon propre interview par Vosges Matin, par une sympathique journaliste de Vosges Matin. Notre interview, parce qu'il y avait aussi Zézia avec moi. Et ça se terminera, cette première partie, par Bella Ciao, qui a été plusieurs fois repris par la chorale spontanée et elle-même appuyée par l'ENSIB. Ah, il va falloir qu'on crie parce qu'on n'a pas de sonos. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Bon, on s'attendait forcément à avoir un tout petit peu moins de monde que les autres fois parce qu'il y a le confinement et je suis vraiment étonné de vous voir aussi nombreux. Donc déjà là-dessus, on peut s'applaudir et être content. Oh. Alors quand même, rappel avant de commencer, masque. Les photographes évitent de prendre des gens sans masque. Oui. Et on va étaler le cortège le plus possible pour éviter les regroupements de plus de 6. Donc n'hésitez pas à vous étaler tout le long de la route. On est encadré par les services, les gardiens de la paix. Donc voilà, n'hésitez, respectez bien les règles. Aujourd'hui, le collectif citoyen manifeste. On n'est pas au complet. Parce qu'il y a d'autres manifestations, je rappelle qu'on est en... Pardon. C'est-à-dire ? Qu'on est en confinement, mais qu'on a encore le droit de manifester. Vous prenez le relais, je peux plus, là. Ouais, il n'y a pas que Pénal qui manifeste aujourd'hui, il y a Thionville, il y a Belfort, et puis on va montrer l'exemple un petit peu, Reims. Et on va montrer l'exemple pour que d'autres villes continuent à manifester, même avec un confinement. On manifeste pas pour rien aujourd'hui, on manifeste pour la réouverture des lieux culturels, pour les bars, pour les restos. On a beau nous dire que théoriquement ça ouvre dans un mois, franchement c'est une grosse blague. Le couvre-feu, je pense que dans un an on l'a encore dans le cul, on s'en doute. C'est aussi pour ça qu'on manifeste. Et puis voilà, on a besoin d'un plan de réouverture sérieux parce que vu comme ça se passe, moi je vous le dis, ben dans un mois ou deux, on va voir des bars fermés, on va voir des intermittents au moins, on va voir notre vie culturelle qui baisse encore de jour en jour et la déprime qui augmente encore de jour en jour. Et voilà, et c'est bien triste parce que, bah, désolé pour le côté noir, mais les suicides augmentent. Je suis désolé, j'ai pas noté les choses, hein, voilà. Les dépressions augmentent, rien ne va, et c'est pour ça qu'on crie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec nous? Ouais. Oh les fleurs, on va pouvoir commencer à marcher. Ouais. Et n'oubliez pas, on est vivants. On est vivants. Banderole et après la file. N'est-ce pas? Ouais, très bien. Nous, on que je vous prenne en photo. Non, parce qu'il va filmer. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Ah si, ça c'est. Du thé. T'as pas ramené Rudy? Ah, non, j'ai pas osé. Ah. Parce que ça fait plusieurs fois. Je sais. J'aurais pu. T'en mets la cause. Donc de théâtre et d'animation, voilà, des Hautes Vosges. Alors on va dire, mais il y en a de Bussan, il y en a de Remiremont, il y en a de Vanier, voilà. Mais c'est la même association. Voilà. Et donc là, pourquoi vous avez décidé de vous mobiliser aujourd'hui? Oui, bah, on était mobilisés les autres fois. On est venu dans toutes les marches, pleurer et mettre du climat parce qu'il faut défendre la réouverture de la culture. Que nous-mêmes, on a du mal, à même pas à répéter. Alors, on est un spectateur. À la mode, en principe, et on ne peut même pas répéter avec les 10 km en ce moment. On est obligé de faire des acrobaties, donc on est gêné. Donc pour nous, on a hâte que les choses s'ouvrent. Et on n'a pas de lieu, on n'a pas de lieu dans la question. On est obligé de répéter dans la nature. Il n'y a pas de salle en ce moment. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. On arrive à là, quoi. Oui. Et donc là, donc t'as dit, autorisé de pouvoir montrer que c'est là ou pas. Et là, ça vous fait du bien, là, d'être dans la rue, d'entendre un peu de musique, ça, ça vous avait fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Ouais. C'est du bien, c'est du bien, c'est du bien, c'est du bien. Et tout ça, dans cette manifestation, voilà, tout ça s'endort, quoi. Oui. Vous avez vu qu'il y a pas mal de gens, bah, là, parce qu'on vit leur fenêtre et tout, ça veut bien dire. Je regarde aussi. Est-ce que je peux avoir vos prénoms que vous citez dans l'article? Le prénom, alors, Zezia. Zezia. Ah, vous pouvez me l'appeler. Z-Z-I-A. Et moi, c'est Vincent. Vincent. Voilà. Donc vous êtes de Remire, vous ? Et moi de Bussan. Voilà. Et vous faites partie de la même compagnie ? Oui, oui, on joue au théâtre en ce moment. Théâtre amateur. Et de l'association Retrait. Voilà, mais c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Que j'ai rejoint. Oui, oui. D'accord. Voilà. Et c'est officiel. Qu'est-ce que je voulais vous demander ? Oui, oui, le spectacle que vous voulez faire, là, le code, il va quand même pouvoir avoir lieu ou... Ben, normalement, on joue dans le cadre de du Festival du paysage au lac de Blanche-Mer. D'accord. Dans les Hautes-Bosses, à la Bresse. Ouais, ouais, ouais. Et normalement, il a lieu. Mais l'an dernier, il a été reporté en septembre. D'accord. Normalement, il devrait avoir lieu. Mais en principe, il a lieu. Est-ce que vous récupérez peut-être un contact pour votre artiste ? Comment ? Je peux avoir un numéro de téléphone, peut-être ? Le mien, allez. Allez, là, je... Merci. Merci à vous. Il est derrière. Il était pas loin, c'est ça, je regardais tout à l'heure parce que je voulais le. I'm gonna go get some more. Oh, renonce. Chaque mesure autoritaire, chaque renonce sécuritaire, rassemble notre confiance. Et il faut pas peur de tant d'assurance pour confiner la conscience. Oh non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser encore. Vas-y, vas-y, enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser. Sociale et environnementale, suivons notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, non, non, non, non, nous, on veut continuer à danser encore. Va nous penser enlacer nos corps, les amis sur une vie d'accord. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Voilà. Thank you. trouve pas Jean-Claude, je le trouve vieux. Il a disparu dans la foule. Alors, vous venez d'entendre la première partie de cette marche fleurie qui démarre comme chaque fois du cinéma. Et il y avait aussi l'arrêt à la plomberie, la fameuse plomberie, qui est le siège de la Lune en parachute. Vous avez pu entendre d'ailleurs Gladys, qui est une des participantes, des personnes qui assurent cette marche fleurie depuis le début aussi, Gladys de la Lune en parachute. Et vous allez entendre maintenant un arrêt devant le musée, enfin l'étape suivante c'était le théâtre, puis le musée, et la place des Vosges aussi. Et après, ben, c'était le musée. Le musée où vous entendrez là la proclamation du communiqué, la première partie du communiqué par JP, un des organisateurs aussi les plus actifs, et Nico. Et ensuite, le cortège s'est déroulé le long du quai des Bons Enfants, sachant que on n'a pas eu le droit de passer devant le théâtre et devant certains bars, donc certains se sont détachés, vous entendrez l'appel, et sont allés fleurir, se sont détachés du cortège principal, et sont allés fleurir ces lieux de l'autre côté de, non pas de la Moselle, mais du canal, enfin de la voie d'eau qui est là, le long du quai. Le collectif citoyen, organisateur de la marche d'aujourd'hui. Cela fait plus d'un an que notre monde vit au rythme que nous impose le coronavirus. Plus d'un an que les Français respectent avec patience et docilité les confinements, couvre-feu et autres mesures restrictives qui se succèdent dans l'espoir d'enrayer les contaminations. Or, nous ne pouvons que constater après 12 mois de recul que leur seule justification est de préserver tant bien que mal la tête hors de l'eau de notre système hospitalier. Ce même système hospitalier qui alerte et crie à l'asphyxie depuis trop nombreuses années. La seule issue proposée par notre gouvernement réside dans la vaccination. Les centres de vaccination ouvrent en grande pompe, les collectivités et les professionnels de santé s'organisent. Or, tout miser sur la vaccination et ne pas investir dans la recherche de solutions alternatives apparaît comme un pari hasardeux, alors que les précieuses doses de vaccins se font attendre et que l'apparition de nouveaux variants menace l'efficacité même des 10 vaccins. Combien de mois encore accepterons-nous ces décisions qui font subir à notre système éducatif un choc sans précédent, bouleversant le quotidien des écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, équipes pédagogiques, directeurs d'établissements, équipes techniques et administratives, exacerbant dangereusement et durablement les disparités éducatives déjà existantes. Combien de mois encore tolérerons-nous qu'un pan tout entier de notre économie soit paralysé, que les restrictions sanitaires restent de mise, reportant inlassablement les perspectives d'une reprise de secteurs entiers sacrifiés puisque étiquetés non essentiels. Combien de mois encore laisserons-nous les Français avancer sans perspective dans un état d'urgence qui se prolonge inexorablement ? Alors, combien de mois encore resterons-nous sourds aux institutions qui observent, j'ai pas répété, hein, et alertent sur les dégâts sanitaires, économiques et sociaux sans précédent provoqués par cette crise qui affectera durablement notre santé mentale et psychique. Alors, qu'est-ce qui est le plus dramatique dans cette crise ? La pandémie elle-même, la politique ubuesque menée par notre gouvernement, l'ordre sanitaire instauré en réponse à un virus dont la létalité est inférieure à 0,5%, ou les impacts délétères que cette privation de liberté, de cet isolement social imposé et de la précarisation financière exacerbée. Beaucoup de mots compliqués quand même. L'INSEE a recensé 365 000 emplois supprimés en 2020. La pandémie a mis à mal la santé psychique de nos aînés, solitude, isolement, inquiétude, culpabilité, de faire partie des plus fragiles à protéger. À l'autre bout de la chaîne des générations, les enfants et les jeunes ne sont plus épargnés. Selon le conseil scientifique, les hospitalisations des jeunes de moins de 15 ans pour motifs psychiatriques sont en hausse de 80% depuis le début de l'épidémie. Selon l'école des hausses d'études en santé publique, 60% des étudiants rapportent une détresse psychologique de 21%, avoue avoir eu des pensées suicidaires au cours des derniers mois. J'arrêtais où ? Tu veux faire un peu aussi ? Selon la direction de la recherche des études et des statistiques, 72% des médecins généralistes ont constaté une hausse des consultations de santé mentale lors du second confinement. Les études et publications scientifiques se succèdent chaque jour, de plus en plus nombreuses, et livrent des chiffres inquiétants. Pour faire face à la dégradation de la santé mentale des Français, la Cour des comptes a demandé la généralisation des remboursements des psychologues libéraux par l'assurance maladie sans rapport paru en février 2021. La Fédération de Mutuelle Assurance, ouais, c'est peut-être des trucs, je ne sais pas si on peut les passer. Voilà. Les enfants, les jeunes, les chômeurs, les personnes handicapées, nos aînés, les petites entreprises, les artisans, les commerçants, ou encore le monde de la culture sont laissés pour compte, abandonnés à des sentiments négatifs, dépressifs. Or, chaque fois que les pensées suicidaires augmentent, les passages à l'acte augmentent. L'être humain est fondamentalement social, de la naissance jusqu'à la mort. L'être humain a besoin des autres pour vivre, survivre, se développer et mourir. Bravo. La suite à la souris verte. Allez. Il y avait des manifs au premier confinement. Non, il n'y en avait pas. Au deuxième. Oui. Okay. Madame, elle a des fleurs pour rembourser aussi. Madame qui a le sac avec le sac pour les autres. Thank you. n'y a pas beaucoup là, au balcon. On est salué. C'est plaisir. Ah ouais. T'estimes à combien, Jean-Philippe? On était à 175 place des Vosges. Ah, ça va, très bien. Très net, c'est pas très mal. Exact. Bon. Dans cette dernière partie maintenant de la marche fleurie, vous entendrez Aurèle. Aurèle, elle aussi, une battante, une des principales personnes qui a participé et qui a lancé ces marches fleuries. Elle est aussi la patronne d'un bar sympathique. Et vous entendrez donc d'autres groupes aussi, que, comme vous avez entendu déjà, d'autres groupes que l'ENSIB. Il y avait aussi d'autres musiciens. Donc cette variété de styles, ben, vous avez pu la constater, sympathique. Et vous entendrez aussi là, devant, cette fois-ci, c'est la souris verte, le point d'aboutissement, comme d'habitude, si je peux dire, point d'aboutissement de la manifestation. Et là, il y avait tout le monde qui était là, et il y avait des chanteurs, un groupe de chants que vous avez, je n'ai pas retenu exactement le nom, mais il sera dit au cours de la séquence. Et ce groupe, avec une chanteuse, un chanteur, reprenait une chanson aussi d'un chanteur belge à connaître, que je ne connaissais pas, donc très intéressant. Il y a aussi une interview que l'ami Michel Gravier, se munissant de l'appareil à enregistrer, donc un groupe a été interviewé par Michel Gravier. C'était intéressant, c'était des gens qui venaient d'assez loin, me semble-t-il, des coins de Charleville-Mézières, à revoir. Et puis on termine par toujours, comme souvent au cours de la manifestation, quand c'est repris, on termine toujours par HK, Danser encore, c'est toujours l'hymne qui marque toute cette période des marches fleuries. Et alors, espérons effectivement que les marches vont ensuite bien fleurir dans les têtes et dans les cœurs, et que tout va gagner en soleil, en vie, avec le printemps. Ah, très bien, très net, c'est pas très mal. Exact. Bon. Il y en a qui sont arrivés en cours, bon, il y en a qui sont partis aussi. Hein, oui, on va dire 200 en tout. Ouais, ouais, t'es pas loin de 200. Hein. Ouais. Non, parce que je vais transmettre le chiffre à l'Écho des Vosges ce soir. Parce que j'avais un article en cours, j'ai dit je vous enverrai le chiffre à peu près. Quoi. Bah, c'est bien, hein, moi je m'attendais pas autant pour être ouais, aujourd'hui. Hein. Non, non, c'est vrai, moi non plus. Tant mieux. Et il y a beaucoup de nouvelles têtes en plus. Oui, et ça maintient la. Ça maintient. L'oreille fonctionne aussi. Hein. Oui, oui, ça maintient la. Exactement. La pression et l'urgence. Et l'essentiel. Ah, ouais. On vous suit, nous. Non, on va finir sous le soleil. Ouais, ouais, voilà. Révolution espagnole, ça. Ouais, ouais. C'est pour la radio Guémozo, hein, ça serait. Ça passera vendredi prochain. Ah, c'est cool. Mais ouais, c'est pour ça que je change d'orchestre un peu. Je... Oui, oui. C'est bien. Vous êtes un ensemble là ou... Un ensemble de des marches fleuries. Oui, voilà quoi. C'est bien. Spontané. D'Épinal, vous êtes. D'accord. Bah, on va dire vos prénoms. À la flûte traversière. C'est Julie. Julie. Et c'est François trombone. Ah, trombone. François, ouais. Ben bravo. Hein. Merci. Et aux percussions, on a Comment il s'appelle? Ouais, c'est bon ça, vas-y. Comment il s'appelle? En percussion. C'est Edouard. Et la bière, Edouard. Et la goudale, Edouard. Vas-y. Non, c'est mon instrument de musique aussi. Ah oui, bien sûr. C'est sûr, c'est très bon ça. Radio Gamozo. Hein. Ok. Vendredi soir à 21h. Vas-y, envoie Edouard, un petit rythme là comme tu dis. Allez, vas-y. Je suis venu exprès pour quitter l'autre orchestre. Je range mon accordeur. Ouais, vas-y. Ouais, parce que c'est pas une bière en alu, c'est un accordeur. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour donner le là. Si doré bémol fa, je sais pas. Kéma. Et j'ai demandé les prénoms au violon, c'est Eva. Eva, très bien, bravo. Pour la radio, Gamozo. 21h vendredi soir. D'accord. 21h, 22h. Et dans quelques minutes, d'autres... autre musique. Mais avant ça, Aurel a encore quelques trucs à vous dire. C'est la suite du machin. C'est la suite du communiqué de presse. Avec les chiffres en moins, parce que c'est chiant. Les enfants, les jeunes, les chômeurs, les personnes handicapées, nos aînés, les petites entreprises, les artisans, les commerçants ou encore le monde de la culture sont laissés pour compte, abandonnés à des sentiments négatifs, dépressifs. Or, chaque fois que les pensées suicidaires augmentent, les passages à l'acte augmentent. L'être humain est fondamentalement social. De la naissance jusqu'à la mort, l'être humain a besoin d'autres, des autres pour vivre, survivre, se développer et mourir. Nous sommes un collectif de citoyens. Nous contestons le fait d'être réduits à de simples consommateurs et pour les plus chanceux, de simples travailleurs. Nous constatons un peu plus chaque jour les conséquences de cette politique bipolaire et refusons de cautionner cette pseudo-fatalité. Notre acte militant, fleurir et rendre hommage chaque dimanche depuis le 31 janvier au musée, théâtre, salle de spectacle, café et restaurant. Hé, les frères Mickey, là. l'école, c'est pareil. Tous ces lieux vecteurs de liens sociaux qui nous sont essentiels et qui nous manquent cruellement. Tous ces lieux qui devraient être considérés par nos dirigeants comme des alliés dans cette gestion de crise multifactorielle et non comme des lieux de contamination potentielle. Cette initiative personnelle, partie d'un petit groupe d'amis, fédère aujourd'hui de plus en plus de sympathisants et de partisans de toute génération et classe sociale confondue. Autant de marcheurs qui retrouvent un souffle autour de ce mouvement qui résonne de plus en plus fort et s'essaime de plus en plus loin. Prônons qu'un autre modèle s'impose. Nous militons simplement et en toute responsabilité pour un plan de retour à la vie. Les pandémies reviendront sans nul doute de façon cyclique. Il nous faut apprendre à vivre avec. L'adaptabilité ne peut se limiter à une stratégie de step and go, sans ambition et perspective. Nous ne sommes pas dans le déni. Conscients que la Covid tue et convaincus que les conséquences des mesures restrictives qui l'accompagnent sont et seront bien plus dévastatrices que la Covid elle-même. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Il s'agit du préambule à la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, telle qu'adoptée par la Conférence internationale sur la santé à New York le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 États. Cette définition n'a pas été modifiée depuis 1946. Elle prend toute sa dimension aujourd'hui. Alors dehors, citoyens, la prochaine marche fleurie, c'est le 9 mai. 9 mai, ouais, avec toutes les villes cette fois-ci. Confinement ou pas confinement, de toute façon, le 9 mai, on sort. Le Grand Est, vraiment, le Nord sera avec nous. On va essayer d'ici là d'appeler des copains dans les autres villes, en Bretagne ou ailleurs. Et le but, c'est de continuer à être dehors parce qu'on paye quand même nos impôts tous les jours, on paye les taxes, la rue nous appartient. Il faut qu'on soit dans le confinement ou pas. Tout le monde dehors. Et la musique ne tue pas, alors c'est parti quoi. Profitez-en, vous pouvez danser. Chanter et jouer dehors. Vous avez une heure, les gars. On va la mettre par là. D'accord. Oui, c'est pour une interrogatoire. Ah. Aujourd'hui, je ne souhaitais pas enregistrer, c'est pour Guémozo, à Saint-Étienne-des-Remiremont. D'accord. Une radio libre. Ah, il y a une fanfare de mandoline là-bas. Ah, en Mermont. Elle va être très connue. Très connue. On a fini l'orgasme. Mandoline. Vous menez à quel titre ? Associatif, individuel ? Individuel. Oui, ouais. Le mandoline belge. Je mets l'alliance. Bah, pas de base. Nous, on est ardennais de base, mais on s'est installé à. Ah bon, vous êtes belge. Tous les trois, on est ardennais, ouais. Ouais, ah de bon Charleville, de base. Maintenant, on se sent un peu vosgien quand même. Ah bon, ça fait longtemps. Ouais, ça fait 5 ans que je suis là. 5 ans, vosgien. Ça fait un an. Un an. 2 ans. Un an et demi. Ouais. Et vous faites quoi de nouveau? On travaille essentiellement dans le bois. Vous liez avec la culture. Ah bah, je suis Lucas, arrivé en premier mois. Lucas a donné le biberon à. Ah, oui. Sa mère, c'est ma marraine. Ils ont dit, putain, c'est génial, les rouges et tout. Il y a plein de forêts, on va venir vivre ici. Ouais, ouais, exactement. La première fois que je suis arrivé, j'étais pas conquis. Ah oui, c'est vrai que la première soirée, c'était pas conquis, ouais. Ça a très vite changé. Pour moi, la première d'ailleurs, je suis encore là. Au final, c'est pas la plus belle région. Bah, c'est peut-être ça, ouais. Tu étais conquis parce que tu as fait une conquise. Non, pas tout de suite. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation aujourd'hui? Ah, bah, c'est bien que les gens descendent. C'est bien que les gens descendent un peu dans la rue, parce que là, c'est d'une tristesse épouvantable. Ah, c'est ça. Il y a de quoi cauchemarder. Au moins que les gens se rassemblent un peu et que... Un peu de chaleur humaine. Voilà. Un peu de chaleur humaine, exactement. Ouais. Oui. Ça fait du bien de voir du monde, d'entendre de la musique, de se promener dans la rue tous ensemble. Mmh. C'est vrai que c'est important. Bah ouais. Surtout dans cette période quand même. Je pense que les gens sont même plus habitués à voir autant de gens. Vous ne pensez pas que c'est incompréhensible qu'on puisse en être réduit à ce stade-là, parce que... Est-ce que vous pensez que c'est efficace de fermer tout? Ah bah non. Non, pas. Franchement. Mais surtout que les grandes surfaces restent ouvertes. Enfin, y a plein de lieux où on peut se réunir à plein et pas... Bah, le métro parisien est toujours ouvert, moi je ne comprends pas. Ouais, la consommation c'est autorisé. Oui, mais... la consommation c'est autorisé, mais pas la culture. Voilà, exactement. C'est ce que j'aime vous entendre dire. On a le droit de prendre le métro pour aller bosser comme un bon petit citoyen, mais... En fait, on a juste le droit de travailler, hein. Non, ben, pas tout le monde. Moi, je me sens chanceux de pouvoir travailler et d'aller pouvoir... Moi, je suis charpentier. Ah, d'accord. Charpentos. Charpentos. Ouais, je fais un boulot en plein air, il n'y a pas de Covid là-haut. Bah non. Non. Pas de Covid sur les toits. Non, mais de toute façon, le Covid ne strike qu'après 19h. Il ne faut pas sortir après 19h parce que c'est là le plus dangereux. Le Covid arrive seulement à... Est-ce que vous ne pensez pas que le couvre-feu à 18h, voire à 19h, c'est vraiment contre-productif? Parce que tout le monde se retrouve dans les magasins, dans la rue aux mêmes heures. Donc on aurait voulu vraiment éteindre l'épidémie, on n'aurait pas fait mieux, non? Ah oui? Oui, non mais oui, si. Il y a même d'autres sujets, c'est qu'à 18h, les gens, ils roulaient plus vite, ils étaient plus énervés, tout le monde se... Ça comptait la pollution supplémentaire. On a toujours la loi, alors qu'en fait, on voudrait juste voir quelques copains pour pas mourir d'ennui ou de solitude. Enfin, c'est triste à mourir. Ça n'a aucun sens. Vous êtes dans quelle tranche d'âge? Pour moi, 25-30 ans. 25-30, ouais. Quoique non, il n'y a plus de 25. Non. On n'a plus des 25. Non, on est tous des 25 ans. Ils sont suicidés chez eux parce qu'ils étaient étudiants. Ouais. 28-30. Ouais, 28, on a tout. 28-30. 28-40. 31. Je suis moyen. Fais gaffe, on peut y avoir un virus quand même. Ah non, mais tu déconnes, il y a un jeune de Strasbourg chez qui. Je vais pas. Salut les gens du bateau, on a tous des rêves. Papa, papa, papa, papa. Des licences textiles, on en marre de faire la file et c'est le tour de la lèvre et le soleil. Et les grandes de pas bleu, ils se rendent dans les tours, travaillent le fer dans les ports. Ce n'est pas de pirate, ça c'est la vie des liens. C'était quoi ton air, ta chanson? C'est Faut passer la frontière, Jean-Claude Vatrin. Ah, d'accord. Et toi, tu es? Jean-Claude. D'accord. Bravo. Vous êtes un groupe? Oui, on est les Bruno Bis, mais là, on est en famille avec d'autres gens, d'accord, quoi, en fait. C'est bien. Pour la radio Game of Thrones. Hein. Ah, d'accord. Bonjour, enchanté. Le vendredi soir, c'est Remiremont, mais aussi d'accord. En Internet. Voilà. Et je demandais à... Qu'est-ce que c'était comme chanson, ouais. Ah bah c'est Faut passer la frontière de Jean-Claude voilà. Vatrin. Voilà. Un ami belge. D'accord. Voilà. Jean-Claude Vatrin, je sais pas, ouais. Exactement. Faut passer la frontière, un ami belge, elle m'a dit. Et eux, c'est un groupe quand même. Après, on verra. Comme ça demain, Michel. Allô, ça va? Il y a l'élimination, oui, il y en avait une hier, pour que tu aurais pu être la chanter. Ouais. Mais il a fait le. C'est lui, quoi. Une fois, il a fait. Ouais, mais là, il ne m'a pas téléphoné depuis le matin. Ah ouais, il est invité. Vous êtes là ? Oui. Ah oui. Les enfants, vous arrivez ? Les voitures vont repasser, vous faites attention. Voilà. On arrête ou on disparaît? Une dernière musique, oui. Et puis rendez-vous le 9. Ouais, ouais. Ouais. Mais attendez, la dernière musique, rendez-vous le 9, ça va. Bella, ciao. Voilà. Oh, grande voix. Oh non, on disperse en fait, faut disperser pour les cafés. On a oublié, c'est la Oh, encore. On veut continuer à danser encore. Encore Edouard. Merci monsieur Dallot. Bravo. On va être obligé de la disperser, messieurs dames, s'il vous plaît. On se retrouve le 9 Dispersion couvre-feu. 9 mai. 9 mai. N'oubliez pas, c'est la guerre. Oui, c'est la guerre. Allez, dehors les Romano. Allez. Et voici maintenant la Sélénite 8, depuis le mois de septembre, en effet, Cunégonde, dans son village de Jemecourt-sur-Fumier, quelque part donc dans la plaine des Vosges, eh bien, célèbre la pleine lune en invitant des artistes dans son salon, en dedans parfois, en plein air parfois, et en visio depuis pas mal de temps, vu les circonstances. Alors, cette Sélénite 8 a été un peu perturbée, pour moi, par un défaut d'enregistrement, des défaillances techniques qui m'ont empêché de rendre compte de ces 3 heures magnifiques de célébration. Et de ce fait-là, eh bien, je compenserai un petit peu par des enregistrements autres qui ont été effectués, qui ont été produits durant cette Sélénite. Donc effectivement, cela commencera par Jean-Pierre Siméon qui a été écouté dans cette Sélénite. Jean-Pierre Siméon, c'est l'ancien lanceur du Printemps des Poètes. Alors, ancien, toujours, mais c'est quelqu'un d'autre maintenant qui assume ce Printemps des Poètes actuel sur le désir qui effectivement est beaucoup désirant mais qui existe, qui est manifesté. Donc Jean-Pierre Siméon, il était venu à Bussan au Théâtre du Peuple il y a quelques années dans une journée consacrée par la CGT à la culture et à des échanges, et je me rappelle de son intervention, c'était au moment du thème qui était à l'époque l'insurrection poétique. Donc voilà, c'est tout un programme, Jean-Pierre Siméon. Alors ensuite, vous n'entendrez pas malheureusement Hélène qui nous a rejoint avec son violoncelle, et voilà, défection de ma part, de mon enregistrement. Et puis vous aurez d'autres séquences malgré tout. Vous aurez la référence à l'atelier eau que Marie Pascal a tenu lors de la manif de l'eau au port à Épinal, donc un atelier désir d'eau. Yuva qui est joueur de didgeridoo nous parlera lui nous expliquera son surnom, parce que Cunégonde qui anime ces Sélénites donne des surnoms pittoresques à chacun, et on peut retrouver ça aussi d'ailleurs dans l'Écho des Vosges chaque semaine en page Les Vosges en Lorraine. Il sera question des poèmes de l'Union des écrivains vosgiens qui sortait là de son interdiction le 21 mars. On devait faire le Printemps des Poètes au Centre culturel. La préfecture ne l'a pas autorisé, c'était pourtant moitié en visio et moitié en présentiel, une dizaine de 11 personnes en présentiel, les autres en visio. On n'a pas pu le faire. Et d'ailleurs, le sens culturel, depuis, est fermé. Il y avait aussi d'ailleurs la Langue de Travers, qui est une autre association littéraire, et qui voulait faire une expo qui n'a pas pu avoir lieu. Voilà. Il sera question de Marcel Cordier, à un moment donné, qui n'était pas là, mais qu'on évoque, qui était un grand bonhomme de la littérature, qui a beaucoup de talent. Moi, je sais que c'est lui qui m'avait suggéré, en fait, d'interviewer Frédéric Potcher, et ça donnait, à l'époque, c'est-à-dire en vers 95, avant d'ailleurs, en vers 91 à 95, ça donnait un livre avec Frédéric Potcher. Il sera question de Pierre Pellaud, qui est mon voisin, puisque je suis à Bussan et lui à Saint-Maurice, et qui vient de sortir un livre, et je l'ai écouté l'autre jour, à Mauvais Genre, l'émission de France Culture. Il a parlé, il était l'invité principal. Kiko dira ses poèmes. Kiko, c'est Christophe Colin, qu'on a entendu plusieurs fois, qui est d'Épinal. Segondino de Remiremont également, voilà, on l'entendra. Christophe Philippe de Ramonchan, bien sûr, et moi-même. Marie Pascal dira un poème de James Denis de Marcharleville qui n'est pas venu, mais qui était présent par la pensée. Et c'est un Charleville-Mézières, donc James Denis. Et ce poète, eh bien, il est dans la lignée de Rimbaud. Donc, malheureusement, j'ai eu aussi une défection de son. Et donc, on n'entendra qu'une partie de ce poème. Je vais au début de la prochaine séquence, je compenserai par une petite lecture de ce poète. Voilà. Et on terminera cette première partie de la Sélénite par Alain Dargin ou Dargine et Michael Atecton. Didgeridoo, voilà, hop, c'est fait. Et c'est que Yuva, son fils, de Alain Dargin, eh bien, décédé, Alain Dargin, il y a 10 ans, son fils a repris cet art du didgeridoo, voilà. Ça sera dit deux fois. Et on entendra donc un enregistrement de cette musique tout à fait envoûtante. Voilà, à l'écoute donc, première partie de la Sélénite 8. Oh, il m'a apporté une pierre peinte. Et je l'avais apportée effectivement à la manif pour l'eau où j'ai fait un atelier d'écriture désir d'eau, voilà, où j'ai mélangé le désir qui est le thème national et l'eau. Alors il y a 50 000 causes, là on n'en peut plus, hein. Alors attends, là je reviens dans mes sélénites, hein. Voilà, on va démarrer parce qu'on a du son. J'espère que... Bon, il y avait un poète, je voulais vous faire une surprise avec un poète. Il n'a peut-être pas eu la possibilité de venir, mais en tout cas, je lirai... Il m'avait demandé de lire ses poèmes, parce que c'est pas toujours évident de lire ses poèmes, hein, on peut être ému et tout ça. Donc c'est vraiment le poète de l'amour, hein. Du désir, et comme c'est le thème de cette année, donc c'est un poète assez flamboyant, il participera, c'est sûr, hein, il m'a promis. Il vit à Charleville-Mézières. Vous voyez déjà l'héritage, hein, je vais assumer. Donc il est dans la ville de Rimbaud, il est bercé par la culture de Rimbaud, parce que son père est... Yuva ? Ouais, bien sûr. Octave de l'Envers au Bois Sanglant. Tu veux nous révéler pourquoi tu t'appelles Octave de l'Envers au Bois Sanglant Non, juste que c'est ce plaisir. D'accord, bon, alors... 3 octaves de l'envers au bois sanglant. Eh bien, Octave, non, tu veux pas nous le dire ? Ou tu veux garder secret ? Non, non, c'est pas secret. Bon, Octave, c'est ton troisième nom. Voilà. Pour avoir un petit rapport avec la musique. C'est vrai que sur ton instrument de musique, il y a la possibilité de faire différents octaves. Et comment ça s'appelle en langage technique quand vous faites des octaves comme ça différentes ? Des overtones. Des overtones, voilà, ça c'est la version en anglais. Donc tu les fais très bien, et il y en a 4. Hein. Bon, ben moi je peux pas prévoir quand t'es né, mais voilà, t'incarne bien ton prénom. Et puis de l'envers au bois sanglant, eh bien en Australie, donc on appelle l'Australie le pays de l'envers. Le pays down under, puisqu'on marche la tête en bas, si on veut bien, puisque le continent australien est vraiment dans l'hémisphère sud au sud, et ça s'appelle le pays down under, sens dessus-dessous. Donc octave de l'envers, au bois sanglant. Allez, à toi de révéler, Yuval. Bois sanglant, c'est la traduction littérale de Bloodwood, qui est une variété d'eucalyptus et dans laquelle on peut faire des didgeridoo, et c'est aussi le nom d'un des derniers albums que mon père a fait. Voilà. Voilà. Donc le papa Duval, dont on a évoqué la mémoire à la dernière Sélénite, puisque c'était un anniversaire de sa mort, ça faisait 13 ans, et il y a une photo de lui, donc là, je suis assez fière, quand même, dans les côtés Vosges. Voilà, ça fait bizarre comme ça, mais c'est vraiment super. Moi, je suis contente. Avec un clin d'œil, donc, parce qu'on parlait cinéma, on parlait théâtre avec Bruno Boussagol, donc avec un clin d'œil à Alan Dargin, donc le papa du voix, qui a tourné dans Priscilla, Queen of the Desert. Donc il a fait une apparition en pleine lune là, comme ça. C'était un petit clin d'œil sympa. Voilà, donc je sais pas si on aura du didgeridoo. Là, je pourrais commencer à vous proposer de lire un texte, et puis les gens. Alors vous avez apporté des poèmes, hein, j'imagine. Eh oui. Oui, alors... guitare. Un coup de guitare. C'est sur Tchernobyl. Hein? Donc, oui. C'est qui a avalé une guitare? Non, c'est moi. J'ai tombé... Une chute de dialogue. Voilà. Donc, écoute, dans le temps qu'on a, on avait, effectivement, tu avais proposé que les écrivains vosgiens qui ont été interdits de printemps la semaine dernière... lisent des poèmes. Alors, je pense que des poèmes, il y en a pas mal. Denis Laurent, qui malheureusement n'est pas avec nous, mais il m'a envoyé, c'est un gros travailleur, m'a envoyé quelques poèmes, donc on pourra en lire quelques-uns, de divers auteurs, de l'UEV. L'idée était aussi d'explorer le thème du désir, mais aussi de retrouver les anciens poèmes. Bon, tu as fait un atelier sur l'eau, on pourra peut-être le relancer, le désir d'eau, dans une autre occasion dont on reparlera peut-être, c'est pas officiel, c'est pour ça que j'en parle pas, mais il y a des poèmes de l'eau qu'on a là aussi, bien sûr Christophe qui est là, il a des montagnes de poèmes sur le blog de l'Union des écrivains vosgiens, eh bien, qui passe à 21 000 là, mais est passé. J'ai mis aussi ton dernier article, Marie-Pascale. Enfin, c'est peut-être pas ton prénom, ton vrai nom, mais bon, en tout cas, c'était sur le papa de Yuva. Voilà. Voilà. Et ah oui, sur la dernière. Il est aussi sur le blog. Alors tout ça, moi, je sais pas. Super, je sais merci beaucoup, Vincent, c'est génial. Mais c'est pas merci, c'est un échange constant. C'est super parce que tu donnes un écho à plein de choses. T'es sur plein de manifs. Toi aussi, un chapeau quand même. On est là pour donner ampleur à un mouvement. Bah, toi-même, tu m'as manié la brosse à reluire d'une manière extrême dans le Côte d'Ivoire. Ma foi. Ah oui, même, même que Marcel Cordier, qui est alors, Marcel Cordier, qui est un des grands noms, enfin, de, je dirais, des écrivains de l'Est, voilà. Marcel Cordier, qui écrit, qui est un auteur, il m'a renvoyé trois de ses articles, il correspond des fois avec l'Écho des Vosges, d'ailleurs, Marcel Cordier, et il m'a envoyé trois de ses articles, il est à Nancy, on ne le voit plus beaucoup, Marcel Cordier, c'est un grand personnage, une grande gueule, j'allais dire, excusez-moi, mais Marcel, qui écoute peut-être d'ailleurs, mais c'est un écrivain, il s'est consacré aux écrivains, et c'est un personnage remarquable. Donc il m'a envoyé trois de tes articles à ma gloire. Donc voilà. Mais là, je pense j'ai sollicité. Bon, moi j'ai quelques poèmes que de Denis Laurent, qui d'ailleurs est un peu confiné en ce moment. On pense à lui. Puis de toute façon, il n'est pas trop c'est l'éditeur, mais c'est on comme va, ça. On va lancer les poèmes comme oui. ça, oui, si tu veux. À la, comme des fleurs, comme des bouquets. Voilà, voilà. Une bonne nouvelle quand même, des Hauts-de-Vosges, là, que je viens d'avoir, sur un auteur de romans noirs qui avait décidé d'arrêter d'écrire et qui reprend la plume et qui sortira un prochain bouquin au mois d'avril. Donc je le balance. C'est Pierre Pellot. Le retour de Pierre Pellot. Voilà. Ben Pierre Pellot, c'est vraiment mon voisin. Oui, j'ai vu ses livres en vitrine dans une librairie à Bourgogne. Oui, donc il s'est remis à l'écriture. Qui ressort, ouais. Pierre Pellot, c'est mon voisin de 5 km. En même temps, c'est toute Pierre Pellot, c'est tout un monde. Moi, j'ai voulu écrire une pièce de théâtre à partir de son grand roman, C'est ainsi que les hommes vivent, son roman fleuve, son roman même capital, et puis j'ai pas réussi à l'adapter, et puis voilà. C'était au moment du 400e anniversaire de la poudre en 1617-2017, et on avait envisagé ça. Bon, alors j'ai pas réussi, en même temps, il est à côté de moi, et c'est un grand bonhomme, voilà. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, parce que je le respecte. Tu es couché sur la moquette, Vincent Non, t'es... Non, je suis au-dessus de mon magnéto portable, qui est le seul lien que nous ayons, tant qu'il est chargé. Oh, splendeur. Voilà. Je viendrai m'endormir dans ton rêve. Oui. La morsure du feu enflammera ton cœur. Tous les éclats d'un soir ouvriront ton bonheur. Des pandémoniums s'estombent sans rêve. Une main cueillera la profondeur obscure pour s'unir au carnet de tes confessions. Viseront tes soupirs dans mes émotions. C'est une symphonie, une sisyphe. Il bricole pas dans la dentelle, il fait vraiment. Il est dans un classicisme il fait des alexandrins, et alors c'est flamboyant. Tout son thème porte sur l'amour, le désir. Donc, je parlais tout à l'heure. J'ai eu les plus grandes difficultés parce que je n'ai pas mes lunettes. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu avais capté, Vincent, si tu étais déjà. James Denis, c'est quelqu'un qui vit à Charleville-Mézières, donc qui est baigné dans l'histoire de Rimbaud et dont les parents étaient aussi des artistes. Le père adorait la poésie. Tu te lances, Kiko ? Un trou. D'hirondelles muettes s'abreuvent de piments verts dans les entrailles tordues d'un réverbère amnésique. Tandis qu'un vieillard cul-de-jatte s'applique à marteler de son dentier une cheminée aquatique. À l'ombre des grévistes conservateurs, à l'ombre des jeunes filles de pleurs, c'est mon univers. Il y a des taudis et des clochers sanguinaires que la haine émarge de son son cruel et fatal. Les bourgeois mornés embrassent les gravillons en se moquant des énarques endimanchés. C'est mon univers. Il y a des histoires d'amour à péage automatique qui s'enroulent autour d'autoroutes verticales. Et dans une cacophonie de gémissements éblouissants, ils s'envoient la honte d'intraveineuses. Des vérités qu'on invente à tout moment, et qui nous condamne à devenir des rescapés de l'oubli qu'on nous ramasse par fragments. C'est mon univers. Il y a des planètes aplaties et des nuages blindés afin que le soleil n'entre qu'à travers les failles. Des cœurs arrachés pour souffrir par procuration. Des viaducs arrogants qui charrient des cadavres puants. Et sous les tables moisies s'entassent des embryons de destins avariés. Et ces destins avariés ne varient jamais. Jamais. Mais toi, qui es-tu pour vouloir partager mon univers ? Qui nous plonge là dans un univers à la fois inquiétant et attirant. Allez, c'est parti, Segundino, en avant. Ok. Émotions traversent les temps ainsi que le progrès. Les émotions n'ont pas d'âge. Je pense que l'empathie qui fait partie d'elles parcourt les âges, bien entendu, nous aide à comprendre les gens d'autres époques. Merci. Merci. Tu peux nous raconter dans quel contexte tu l'as écrit, celui-là ? Alors, celui-là, c'était lors d'un atelier d'écriture. Description des exercices, je ne saurais pas revenir dessus. Mais, il y en a eu pas mal d'écrits. C'est dans les débuts que je faisais en visio avec vous. Ah oui, d'accord. À propos de Christophe Philippe. Il est là, Christophe Philippe. Merci infiniment. Tu m'as laissé ton manuscrit. Moi, je sais pas. Ben voilà quoi. J'envoie un grand vœu à l'univers pour qu'il soit publié. Hein on en parlera avec Poète James. Il y a des plans pour se publier, pour publier facilement. Écoutez. En tout cas, merci beaucoup pour ton manuscrit. Tu n'en as que 2 exemplaires. J'aimerais bien être éditrice, moi, et puis vous permettre de publier, mais c'est pas le cas. Tu disais que tu t'imprègnes des atmosphères, et puis tu restitues. Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, mais si tu le sens, c'est super. Hein. Si tu as envie de restituer à la fin, ce qui s'est passé, est-ce que ça t'a inspiré libre à toi. Oui, j'ai commencé. Vous m'entendez, là ? Vous l'entendez ? Parce qu'on est faible, nous, on vous reçoit faiblement. Ouais. Et c'est comme ça, c'est le malheur, mais problème technique énorme ce soir. Voilà, vas-y, mais il va vous parler. Vas-y. Ouais, ok. Je suis à vous, là. Alors, j'ai un texte sympa à propos de ce qu'on a vécu avec Bruno... Boussac Gold, qui nous a inspiré du théâtre vivant et du théâtre invisible. Donc, je vous fais un petit sketch de théâtre invisible. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, j'ai mis mon stop nucléaire. Hein, là, je suis sur Sex Pistols, 1980, No Future Nuclear Hour. En 2000, stop Hitler en Allemagne. Alors là, en Allemagne, ils attaquent Twister. La tornade, kill. Faut franchir la vertu de l'oracle. Dans une tête comme dans toutes, le pouvoir de prévoir un lendemain protecteur, une Iphigénie, un silence. Presque amoureux, pour de nouveaux mots. Chantons, vibrons, amusons, remarquez la brise se lève et donne place aux oiseaux. Chantons. B. Ça va toujours ? Voilà, c'était ça. On a intérêt à s'accrocher à la chaise. C'est super, merci beaucoup. On tourne un peu à droite, dans mes feuilles. Oui, vous m'entendez, mais bon. Oui, j'avais fait un poème, parce que le thème, c'était le désir. Mais il y a plein de poèmes que j'essaie de vous passer, mais des poèmes qui devaient surgir dimanche dernier, qui n'ont pas surgi. Ah, le voilà. il était caché, mon poème, pour le désir, voilà. Le voilà, si je ne l'opère pas, effectivement, il y en avait plein d'autres. Et qu'est-ce que vous voulez, entre les magnétos, tout à l'heure la sono, enfin la sono c'était sympa, il y a une fille qui dansait, qui chantait excellemment avec le, avec la, la fanfare là, tout à l'heure, c'était vraiment extra. Elle chantait Bella Ciao, justement. Bon bref, j'étais avec mon magnéto, j'étais avec le haut-parleur, j'étais, Félicie était avec le fagnon, voilà. Alors on y va, le désir. La petite vie, c'est celle qui doute de la vie. Les arbres morts jalonnent le printemps. Les âmes mortes, la misère, d'où nous sortons la tête à peine. Les peines d'hier sont encore perdues dans le brouillard des premiers jours de l'aurore. Cri, cri de la vie, désir, tu dis ? Écoute l'ombre, écoute sombre, crâne cramant en mots à soi. Qui coupe le flux des rêves, rêve rivant la poésie subtile au creux de l'infini, qui sommeille pourtant et qui veut désir bondir, surgir et rire. La petite vie, c'est celle qui marmonne les mots acrimonés, les reproches avides, les sentences du vide, les pleurs contre les fleurs, le peut-être, non-être, les doutes de déroute. Sort en cœur, ô désir d'humain, qu'ils bondissent aux rivières, aux montagnes du monde. Et que le soleil vif tranche dans l'âme bourbe des pensées pourrissant. Que belle au bois dormant soit tranchée la broussaille ronce qui entoure ton cœur, et que, prince sans rire, il vienne à toi, belle tane, belle âme, quitte que tu réveilles ton corps éblouissant, printanière. Voilà. Et puis il y avait le... Et derrière, j'entendais, mais malheureusement, j'ai pas bien enregistré, c'est dommage, Hélène qui improvisait. On a tes... Voilà. Tes bouts de papier qui me froissent, là, ça fait... Mais ça fait un accompagnement musical. Ben oui, c'est ça, j'étais... Mais je suis entre tous ces problèmes techniques, là, en essayant de transcender cette technique qui m'embête et qui, en même temps, nous aime. Nous aide, parce que sinon on serait pas là. Chère Françoise, du côté de la... Ah oui, Françoise. Des hauts sapins et de la forêt noire, est-ce que tu as envie de nous partager un petit poème ou tu préfères... Elle avait fait un poème. Françoise a fait un poème récemment. Vous m'entendez ? Oui, oui. Je pourrais lire aussi l'acrostiche sur l'appel. Oui, oui, oui, oui, que tu m'as envoyé. Merci beaucoup, bien sûr. Oui, tu es un peu la spécialiste des acrostiches. Hein. C'est moi, la dernière fois, tu as fait une acrostiche. Un acrostiche. J'aime bien faire des acrostiches. Et ça demande un peu de temps, plus que n'importe quoi, mais bon. Je ne dis pas que, par exemple, le poète, comme on a pu le dire, détient seul la vérité, ou la vérité la plus haute, etc. Je dis qu'il détient une part de la vérité, et que cette part-là est particulière, elle est spécifique. Et que la méconnaître, c'est perdre beaucoup. Et l'oublier, c'est grave. Une société qui... Un peuple qui perd sa poésie, perd son âme. Il y a beaucoup de fantasmes et de malentendus sur la poésie et son écriture. Et ils sont contradictoires. Certains vont vous dire que le poème, comme vous dites, un poème court comme ça, ça demande vraiment pas beaucoup de travail, etc. Qui croient que c'est facile, qu'il suffit de se mettre devant une feuille et d'écrire du sentiment, par exemple, pour que ça advienne. Non, qui fait donc une idée qui fait abstraction de tout le travail d'élaboration, de savoir, de lecture d'avant. Tous les arts ont leur lieu de formation. On n'a pas de conservatoire de poésie. Et on l'imagine mal. Et c'est-à-dire que c'est en ça qu'il y a quelque chose de particulier pour la poésie, c'est que c'est le seul des arts qui n'est pas un lieu de... un lieu d'objectivation, si je puis dire. Voilà. Le seul, c'est dans le livre. C'est le choix des éditeurs qui reconnaissent la valeur d'une écriture poétique. Et ça fait que, à la fois, ça fait sa force, c'est-à-dire c'est l'art le plus partagé, qui est au bout du compte dont les gens se sentent le plus proches, contrairement à tous les préjugés. Et en même temps, l'envers de ça, c'est qu'il a moins de légitimité socialement. La récitation traditionnelle dans sa forme primitive, vous apprenez tant de vers et vous les dites la semaine prochaine, hein, dans l'intention, rien à dire. Dans les faits, il n'y a rien de plus difficile pour un élève. Ça met quasiment en échec les trois quarts des élèves. Parce que parler devant un public, c'est déjà difficile. Et quand on a 6 ou 7 ans, ça l'est. Parce que les autres ne sont pas des copains à ce moment-là, même si c'est tous des copains. Donc vous avez un petit bonhomme ou une petite nana de 8-9 ans, vous leur faites dire un poème pas facile de Victor Hugo ou de Guilvic ou de Siméon, peu importe. Hein. Et c'est-à-dire que ce n'est pas le rythme habituel, ce n'est pas le vocabulaire qu'on utilise tous les jours. C'est déjà difficile. Et après, il faut le dire dans un espace qui fait 10 mètres ou 15 mètres de profondeur, avec 30 ou 25 élèves, c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est absurde, au contraire, je militerai pour, à condition qu'on ait appris à le faire et qu'on ait donné aux enfants le moyen que ce soit un plaisir. Ne faites qu'une chose, lisez un poème à vos élèves tous les jours. Mais pas seulement un poème attendu, un poème gentil, un poème facile, un poème. C'est-à-dire, lisez-leur Mayakovsky, Neruda, un extrait d'Homère, et puis vous allez après, à La Fontaine, et Jean de La Fontaine, vous lui faites suivre de Paul Éluard. Et donc, tous les jours, ça, à l'oreille, l'oreille, elle est intelligente. Et l'âme des enfants est intelligente, c'est-à-dire elle est hyper sensible à ça. Elle va entendre que là, il y a une langue dans toutes ces choses différentes, si différentes. Imaginez la Fontaine, Éluard, l'Odyssée. Mais il y a une chose commune. Il y a une chose commune et les enfants le perçoivent parfaitement. Dans tous ces gens-là, les poètes parlent une langue qui n'est pas attendue, qui est une langue libre, qui est une langue imprévue. Et à chaque fois nouvelle, ça nous sauve de tout le reste. Quelle est la vraie vie? Vous savez, la question des poètes, la vraie vie. La vraie vie est ailleurs, disait Breton. Et c'était le thème de Rimbaud, quand même. Qu'est-ce que c'est que la vraie vie? Il voulait changer la vie, vous voyez? C'est-à-dire, parce que le grand danger, c'est que notre vie soit molle, soit dans des fonctions, soit régie, soit déterminé, soit sans événements en quelque sorte, ou avec des événements forts, comment je veux dire, factices. Et la vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans le faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours. La vraie vie, elle est dans une manière une manière intense d'être au monde, d'être présent aux choses, aux êtres, à ce qui nous entoure, à son propre destin. Donc dans une conscience suraiguë, très tôt, et constante de la mort. Celui qui s'est condamné, tout d'un coup, il dit tout change. Et chaque instant est une éternité, est une vie pleine. Et là, on vit. Et qu'est-ce que c'est que cet instant vécu pleinement? C'est ce que rêve la poésie, c'est qu'on vive tous intensément chaque instant. Ce que vous voulez, Rimbaud, un absolu de la vie. Et Deleuze disait, je le cite dans mon bouquin La poésie sauvera le monde, Deleuze disait c'est du type branchement électrique. Oui, il s'agit d'une vie en haute tension, la vie poétique, n'est-ce pas? Alors est-ce qu'on peut vivre tout le temps comme ça? On peut, mais vivre toujours en haute tension, c'est socialement impossible, parce qu'on est obligé de vivre en basse tension quand on est dans le système social, ne serait-ce que pour prendre le billet de bus ou voilà. Et si on le vit toujours en haute tension, on se brûle. Comme la surtension. Vous voyez, Antonin Artaud, vous voyez Gérard de Nerval, je parle des poètes et de tous les artistes, ceux qui vivent en surtension, dans l'absolu de la vie, ou alors, et à un moment, comme Rimbaud, c'est plus possible, ils se barrent. Allez, cherchons l'ailleurs, cherchons là-bas, pour trouver de l'inconnu, comme il le dit, hein, c'est ça. Mais que disait... je crois que c'est... Mais c'est qu'ils ont... je ne sais plus, partons... partons dans un baiser vers l'inconnu, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est la même idée que c'est, nous pouvons tous vivre ces instants d'intensité dans les moments de cru de l'existence, donc qui sont des moments d'amour. Et, alors, ça peut être de l'amour au sens habituel du terme, hein, mais c'est aussi l'amour dans tout ce qui est, on pourrait dire, érotisation de la vie, c'est-à-dire l'événement en nous d'une sorte d'immense exaltation de bonheur, etc., devant un paysage. Un matin au soleil qui naît devant la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dis ça, tout le monde comprend. Ces instants-là qu'on dit magiques, qu'on dit pas quoi, au fond, ils nous restituent quoi? L'essentiel de la vie, quand la vie est vibrante. Et donc, quand je dis qu'on passe à côté de notre vie, c'est qu'évidemment, on ne peut pas vivre toujours comme ça. Mais ne vivre jamais comme ça, c'est ne pas vivre. C'est ne vivre qu'une vie morte. Alors là, il faut le dire sans ménagement. Et je le dis sans ménagement. D'ailleurs, mon prochain bouquin, qui paraît très très bientôt, il s'intitule « Levez-vous du tombeau ». Il ne fait que commenter ce propos-là. C'est un fantasme, c'est une idée fausse, c'est un préjugé le plus bête qui soit. L'idée reçue type Bouvard et Pécuchet. La fameuse sentence, les gens n'aiment pas la poésie, ça n'intéresse personne. C'est absurde, c'est tout le contraire. Le Printemps des Poètes l'a prouvé. Il suffit d'aller n'importe où, vous dites un poème aux gens et vous remercient. Et pas forcément le poème de, je sais pas forcément Demain dès l'aube ou Mignonne allons voir si la rose. Vous leur dites un poème d'Apollinaire ou un poème d'Aragon qu'ils connaissent pas, ils vous écoutent, ils vous disent merci. Donc, et tous les journalistes qui ont évacué la poésie des pages culture, etc., je les regarde dans les yeux et je dis, vous pouvez me dire que les gens n'aiment pas la poésie? Vous ne l'aimez pas, vous ne la lisez pas. Mais nous, partout où on fait des lectures, aujourd'hui, et il y a plein de jeunes poètes, il y a du monde. Il y a plus de lecteurs de poésie aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Je vous assure, on a les preuves. Regardez le nombre de livres de poésie qui se vendent, même à 300 exemplaires chez un petit éditeur. Ok, 300 exemplaires. Combien il y a de petits éditeurs? Il n'y a pas un pays au monde où il y a autant de petits éditeurs de poésie. Il y en a partout. Et vous accumulez tout ça, plus les gros éditeurs qui continuent. Moi, je travaille chez Gallimard, on en vend quand même toutes les semaines, beaucoup, hein, des milliers de livres de poésie, toutes les semaines. Bon, donc, il y a des gens, et jamais eu autant. Quand moi, j'avais 18 ans, je disais à un copain une fois, mais je dis, quand j'avais 17-18 ans, moi, j'étais fondu de poésie dans mon lycée, à la Blaise Pascal, à Clermont-Ferrand. Oui. Mais les autres s'en foutaient, ils écoutaient les Beatles. Hein. Ils lisaient pas, comme moi, Mac Jacob, Éluard, Apollinaire. Moi, c'était ma passion. Et vous écoutiez pas les Beatles? Pas vraiment. Bon, là-dessus, j'étais un peu inadapté. C'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Pff, c'est facile, il y en a tellement. Il faut tout lire. En vrac. Moi, je dis, lisez tout en vrac. Les yeux fermés, si je puis dire, allez-y. Du classique, du contemporain, ensemble. Je parlais tout à l'heure de Ronsard, il faut lire Ronsard, du Bellay, en même temps que le poète d'aujourd'hui. Parce que c'est le même monde. Et la langue est différente, oui, il y en a une qui est plus ancienne, mais à part ça, ce n'est pas le problème de l'ancienneté, c'est que tout poète a une langue différente. Il faut toujours apprivoiser la langue du poète. Et c'est normal qu'un poète dérange, surprenne, parce qu'il ne parle pas comme tout le monde. Si on parle comme à la télé, on ne surprend pas, hein, d'accord. Il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de savoir, il n'y a pas besoin de, je sais pas, de légitimité. Allez au poème, parce qu'à chaque fois, vous entendrez une langue neuve. Et ce dont on a besoin, c'est ça, des langues neuves. Si on lit Jacques Côté, que peu importe, tout d'un coup, on retrouve un rapport à l'herbe, au vent, au silence, qu'on avait en nous, mais qu'on avait oublié. Enfin, il y en a des milliers. Le grec, Ritsos. Moi, je suis plein de poèmes dans ma tête, et plein de, j'en ai lu tellement. Et à chaque fois, je suis étonné, surpris. Vous avez Pessoa, le poète qui est magnifique. Tout le monde peut lire Pessoa, c'est le grand poète portugais, un des plus grands poètes de ce siècle, quoi. Et puis je pense à Mahmoud Darwish, pour moi un des plus grands poètes que la Terre ait porté. Vous avez un éventail, c'est formidable, quoi, un coffre au trésor, et ça coûte très peu cher, c'est fait pour. Oui, il faut aller dans les bibliothèques, et s'ils ne l'ont pas, vous hurlez qu'ils aient de la poésie. Voilà. Merci beaucoup. Mais, <attention. rire> Vous voulez bien signer bien sûr, les deux. Clotilde, c'est C-L-O-T-H. Ah, ouais, ah, je me méfie avec les Clotilde. Ouais. Les Clotilde avec et sans H. Bien, Voici maintenant donc l'acrostiche de François Asfeldnus. François Asfeldnus de la Forêt Noire, qui nous rejoint à chaque Sélénite et qui a fait souvent des acrostiches, c'est-à-dire, vous savez ce que c'est, c'est une phrase, là c'est « Appel des Sélénites à la pleine lune », et chaque début de vers est une lettre de cet « Appel des Sélénites à la pleine lune ». Ainsi, le premier vers, « Appel de Charles Trenet qui chantait », et « P » pour que le soleil ait rendez-vous avec la lune. Donc je vais vous le lire. Vous imaginerez les débuts chaque fois. Hein. Appel de Charles Trenet qui chantait « Pour que le soleil ait rendez-vous avec la lune, pour que la lune soit là, et que le soleil ne l'attende pas trop longtemps. Lune, pleine lune, montre-toi à temps. Dévoile ta face non cachée entièrement, illuminée par le soleil, et apparaît au moins une fois par mois, visible dans ta totalité. Sois à l'heure, car la pleine lune complète ne dure qu'un court instant. Sélénite, ne manquez pas non plus ce moment magique et soyez au rendez-vous de cette révolution sidérale. Le temps que met la lune à faire un tour sur elle-même, et comme la durée de la période orbitale est la même que celle de la révolution sidérale, nous, terriens et terriennes, voyons toujours la même face visible de la lune. Immuablement, tu gardes pour toi cette fameuse face cachée de la lune. Tu la masques entièrement, ton autre face, pas seulement le nez et la bouche. Est-ce que tu veux être dans l'air du temps et avant l'heure? Sabler le champagne sans nous, qui ne masquons qu'une partie de notre visage? Autonome, tu ne l'es pas, tu n'es même pas capable de produire ta propre lumière. Lune, tu reflètes seulement la lumière du soleil. Alors tu n'as aucune raison d'être aussi fier de ta face de pleine lune. Pleine lune, tu peux aussi devenir méchante quand tes lumières irradiantes empêchent de s'endormir tant de terriens et terriennes et que nous avons envie, tous ensemble, d'aller te décrocher. Impossible, la lune ne se laisse pas décrocher. Non, alors on la laisse croître et décroître à son gré et ses croissants, décroissants ou croissants ont l'air bien romantiques. Lune, continue tes révolutions sidérales de 27 jours. Une fois par mois, elles nous permettent de nous rencontrer, naturellement et virtuellement, du côté de Courjoni sous fumier. Et ça sent tellement bon, avec ou sans masque. Donc ça s'appelle Aurore du Chant du Roi, pleine lune 2021. Alors, lors de la dernière Sélénite, est également apparu un nouveau poète, Georges Schneider, tandis que sa compagne Hélène jouait du violoncelle que nous n'avons pas entendu. On essaiera de rattraper ça la prochaine fois. Donc Georges nous a fait connaître ses poèmes. Et malheureusement, sa voix a été un petit peu éclipsée par l'éclipse, non pas de lune, mais l'éclipse d'enregistrement que j'ai subi. Alors, ça a été publié comme d'ailleurs Françoise, dans le blog de l'Union des écrivains vosgiens, qui atteint maintenant 22 000, même plus, visiteurs, une quarantaine par jour. Et bien, je vais vous lire les deux poèmes que, malheureusement, je n'avais pas enregistrés, mais que je vais lire d'une voix moins sincèrement profonde que celle de Georges. Voilà. Rêve. Dormir et rêver. Retire dans un four, mort, les yeux ouverts, la peau glacée, le papier froid, comme l'air, je frissonne. Se serrer contre l'autre, je t'écoute et m'endors. Langues et souffles, couleur dorée, couleur douce. Deuxième partie de cette sélénite perturbée par mes enregistrements défaillants, eh bien, vous allez écouter successivement Françoise, qui de la Forêt Noire nous fait ses poèmes et ses acrostiches très souvent. Félicie aussi. Ah oui, c'est facile, oui, je sais, mais enfin. Marie-Pascale et Georges. Alors, Georges, nouveau poète, Georges Schneider. Malheureusement, comme précédemment, je n'ai pas pu capter bien les poèmes, et donc je vais les compenser par la lecture. Lecture du poème de Françoise, lecture du poème de Georges, et lecture du poème précédemment du poète James, dont on a parlé, et qui n'a pas été valorisé à sa juste valeur. La séquence se terminera aussi par une autre séquence musicale, une partie de Alan Darzin et Michael Atecton. Voilà, donc au doux, dit Deridou, ce sera dit une troisième fois avec une erreur de prononciation constante de ma part. Mais bon, vous rectifierez. Donc, James Denis, je le retrouve sur Facebook, ça va remplacer un petit peu, en moins bien, la lecture de sa poésie par Cunégonde. Voilà, « Emmène-moi près de toi », dit James Denis sur Facebook. Des bruits bouleversants, fougueux et syncopés s'imprègnent dans mon sein, baigné d'un flot paisible. Il tangue des paquets de mer, de feu lampé, d'un désir engagé, je lis l'imprévisible. Un long fleuve de fièvre envahit mon corps nu, plus vivant que la vie, il faut cueillir l'ivresse du futur. Le miroir du temps a reconnu le chant péant clamé d'une devineresse. Il faut mêler nos mots dans le métal doré pour nous aimer plus loin qu'un souffle ensoleillé. Mon vil esseulement part vers ses déchirures. Aussi grand que l'azur et tu tombes du ciel pour enlever la glace en mon essentiel, emmène-moi dans tes élégantes parures. 21 avril 2021. Eh bien, oui, c'est très récent. Et cette poésie assez classique dans son allure, évoque aussi le classique et le non-classique de son prédécesseur à Charleville, Rimbaud. Désir de, comme celle désir à la lune, hein, j'ai mis les deux, j'ai allié les deux. Désir de paix d'amour. Pomme de chaque pomme d'amour qui a son quartier mordu. Désir de paix de ce jour, de ces histoires toutes sauf tordues. Une, protège-nous, voisine de nous terriens. Nous reviennent que rarement nous allions te visiter. Il y a tant de guerres déjà chez nous. Lumière de nos lutins, guide-nous pour nous comporter en bons voisins et nous aimer en paix. Lune sur nous qui nous coucher, astre de l'inconscient, guide nos rêves et garde-nous le plus possible innocents. Bravo. Est-ce que c'est les Sélénites qui t'ont donné envie d'écrire sur la lune? Ouais, sur la lune, je la vois au-dessus de moi, là, je la sens au-dessus de moi. Ouais, est-ce que tu la vois, là? Ouais. Ah oui, elle est magnifique, ça fait comme une étoile avec un faisceau au-dessus et un faisceau en dessous. Et ça fait comme un petit soleil, mais il y a au-dessus et en dessous, ça fait deux grands rayons. Ouais. Là, les reflets, ouais. On dirait Vénus. Ah oui, je vais la mettre en... Voilà, c'est juste derrière moi. Donc ça représente une étoile sur un tableau. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller... ce qu'on peut faire, c'est aller tous dehors et puis les regarder. Au prochain feu des ballons, hein, Vincent. Hein. Ah, ça. Parole, voilà, tu t'es pas découpée là, tu es allée. Mais je voulais leur dire, en fait, j'étais embêtée parce qu'ils me demandaient, moi, qu'est-ce que je ferais. Ben, je leur ai dit, j'en sais rien, je fais pas de politique, moi, après, je fume, mais je mets pas mes mégots dans la rue. J'aurais dû leur dire, en fait, que j'aime mieux boire de l'eau du robinet que d'acheter de l'eau, en fait. Ouais. C'est strictement la même chose, il n'y a aucune différence. Il y a simplement des eaux thermales en France, évidemment. Et, les gens ne se font plus avec ça, donc de toute façon, ou alors, faudrait qu'il y ait un retour à ça, mais après c'est compliqué, on est... Mais c'est sûr, je voulais parler, parce que l'autre jour j'avais parlé de la Moselle à faire Dreux, je vous le dis entre nous, il y a une bande de pelouse qui pousse au milieu de la Moselle, et là j'ai voulu, là on était à Épinal, et les journalistes étaient à Épinal, donc je leur ai dit, mais regardez, vous n'avez pas vu, dans le pont, on vient de traverser un pont, la Moselle en dessous, il y avait de la pelouse. Après, j'ose pas trop non plus me... La pelouse dans l'eau. Oui, la pelouse dans l'eau. La Moselle est un peu asséchée. Mais il y a de la pelouse dans l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans la Moselle, oui. Surtout à cette période de l'année. Sur le pont, le premier pont qu'on a traversé, je ne sais pas comment il s'appelle, parce que je ne sais pas s'il y a épisode, mais je ne veux pas non plus m'engager dans des luttes. J'aime mieux faire un atelier sur les sélénites, mais... Eh ben, écoute ton poème que tu viens de nous faire, qui parle de la lune. Et demander à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a répondu, j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme toi. Et toi et moi, on était tellement sûrs, etc. Et alors, je voulais dire, à des moments... C'est ce que Françoise disait, j'ai adoré qu'elle nous chante « Le soleil a rendez-vous avec la lune ». C'est tellement poétique, en fait. C'était un trait de génie avant l'heure de dire que le soleil avait rendez-vous avec la lune. Mais c'est vrai, parce que... Idiote ! Je dis, mais regardez, on voit le soleil, on voit le théâtre. Et je dis, mais regardez, il y a le soleil et on voit la lune. Alors tout le monde s'est moqué de moi. C'est lune de jour, c'est voilà, la période, ouais. Comme ça, c'est les solstices. Ouais. Alors, à des moments, on voit le soleil et la lune se partager tous les deux le ciel. J'ai appris récemment qu'un philosophe disait que la pluie, alors il disait, la pluie et le soleil ne sont pas opposés, mais complémentaires, c'est-à-dire qu'ils sont... Chacun ce qu'ils sont à eux-mêmes est autant indispensable l'un comme l'autre. On les croit, ils ne sont pas opposés, ils sont ce qu'ils sont à eux-mêmes et ils sont indispensables l'un comme l'autre. J'ai trouvé ça une belle phrase, c'est un philosophe qui a dit. C'est l'air, l'eau, la terre et le feu. Et le feu, c'est les quatre éléments. Alors, Marie-Pascale, tu te souviens, tu nous avais fait un petit atelier à la manif pour l'eau, tu te souviens? Oui, oui, oui. Et t'avais écrit des mots, alors je sais pas si je peux vous les lire. Après, je vous laisse tranquille, je passe la main à quelqu'un. Bien sûr. Alors, j'avais écrit source, cancer, scorpion et poisson, parce que ce sont les trois signes d'eau de l'astrologie. J'ai pensé à l'eau précieuse, à l'eau de parfum comme Givenchy, Rochas, etc. J'ai pensé à eau, mon Dieu. J'ai pensé à nager parce que j'adore ça. Et il y a aussi, j'avais noté, c'est l'hymne de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Et moi je le chante comme ça, mais il faut savoir qu'il y a dans la jeunesse, qu'il y a beaucoup de personnes, des jeunes qui reprennent ces chansons et qui sont sensibles quand même au tout ce qui est climat, eau et tout ça, tout ce qui est, enfin, les nouvelles façons de vivre. De après-midi, on regardait encore un reportage avec Secundino. Il y avait une maman qui avait tout quitté en Allemagne avec ses deux fils et son mari. Elle travaillait dans une grosse entreprise dans une capitale et elle a tout plaqué. Elle allait faire des œufs de Pâques, elle teinte des œufs de Pâques. Elle a acheté une ferme. Elle a acheté une ferme. Vas-y, explique. Il y a beaucoup de gens qui changent de vie comme ça, qui plaquent tout pour revenir à une vie plus originale, plus propre, plus saine. Ils plaquent tout, ils prennent tout ce qu'ils ont et ils se refont une vie complètement meilleure et qu'ils ne regrettent pas qu'ils y soucient. Aucun ne regrette le changement. Il y a un courant comme ça, oui, oui, assez fort. Hein. Beaucoup de changements de vie. C'est vrai. Tout à fait. Il y a beaucoup de témoignages. Il se passe des choses. Les envies des gens-là. Mais moi, je vous admire parce que vous faites des poèmes et tout pour de votre âge. Quoi. Moi, je ne sais pas trop quoi faire pour l'eau, tout ça, mais la lune, je sais la sentir, l'apprécier. De toute façon, moi, j'ai tous ceux qui me disent « je crois pas en l'astrologie », et je leur dis « mais la lune, elle agit sur les marées, elle fait pousser les carottes, on plante les… » Je vois, dans ma famille, d'un côté, on est des paysans, mes arrière-grands-parents, ils faisaient pousser les plantes, les légumes, ils les faisaient pousser selon les lunes pour avoir des belles récoltes. Ouais. Donc… C'est sûr qu'elle a une influence sur nous. Alors, en tout cas, je t'invite à m'envoyer un poème si tu en as envie sur la lune. Ouais. N'hésite pas. Quand tu le sentiras, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'urgence. Non, mais je retravaillerai si peut-être quelque chose. Oui. Voilà. Bon, il y a Christophe qui en a un. Ah, vous m'entendez Christophe. Plus Ah, il y a deux Christophe. Ah oui, Christophe Colin ou bien Christophe... Ah ben, je sais pas, moi, je vois plus Christophe Colin. Il y a dû en avoir plein. Mais Christophe Philippe, moi, je suis à côté de Christophe Philippe. En plus, on n'a plus que 12% de batterie qui n'arrive pas à charger. Et ça m'inquiète beaucoup. Bon, ça, c'est pas grave. Mais sauf qu'on va peut-être être... Ça fait rien. Ben si, on sera obligé de partir. Hein? Comment ? On ira se coucher, c'est pas grave. Mais non, vous continuerez. Christophe, à toi. Là. Oui, alors, super, hein, c'est super d'être avec vous, on s'éclate comme des fous, hein, comme des fous. Alors, je vais vous faire une autodérision, ça vous dit, une autodérision ? Ah, oui. On y va. Alors, dérive du désir. Moins parfait qu'un clou que je ne vois pas planté là. Bibliothèque blanche, mon ginseng gourmet. Écrit est la joie, désir procheron. Procheron profond. Chemin de terroir quand la canaille, resto des extrêmes gauches de Paris, fait la muse du toc et entrée, amuser les convives. Reprennent du fluide, mais vous en mangerez bien encore en petite cuisse. Un piment de pensée, la fille noble ne se cache plus, un château dont les idées, voici Mary Belle en été. Voilà. Voilà. Je dois dire que tu m'as influencé, hein, Maître Dupont vers les morts. La Cunégonde, elle s'est mise à écrire sur Pégase qu'elle monte à l'envers en attrapant des ailes avec des mains palmées. Enfin voilà, donc c'était l'influence Christophe Philippe. Ah oui, on parlait de Kikou aussi. Alors Christophe Colin, il en a des belles choses à nous faire partager. Ben, c'est le printemps des poètes. Kikou, qui s'appelle poète. Mi-magicien, mi-rêveur, ou mi-rêveur, mi-magicien. Il ne sait plus très bien, et d'ailleurs il a perdu sa tête. Et d'autres lui rappellent si bien qu'il est à moins que rien, un poète. Ah bah c'est super ça. Ah, merci. Mais oui, on est des moins que rien. Oui. Ah. Nous le savons bien. Est-ce que le mari d'Hélène... Ah oui. Georges. Es-tu là, Georges? On a remis le micro, ça y est, il est bon, là. Ah, voilà, nous accueillons un nouveau sélénite et une nouvelle sélénite tout de même. Important. Donc là, on a pêché un poète, mais vraiment par pur hasard. Et je vais te faire monter la pression, Georges, j'espère que je ne vais pas te faire peur. Non, mais c'est la première fois qu'il va lire un poème en public, alors vraiment, on peut l'accueillir. Hein. Bravo. Bravo. Merci. Hein. Alors, juste comme introduction, c'est après une correction de copie, dans mon bureau, tard dans la nuit. Et voilà ce que j'ai. Voilà le poème que j'ai écrit. Le froid s'immisce dans mes doigts. La tête. Et voici donc maintenant, à la place de l'enregistrement que j'ai loupé, Georges Schneider, nouveau poète qui nous est apparu, s'accompagne également jouer du violoncelle et n'est pas apparu malheureusement dans mon enregistrement. Donc je vais lire les poèmes que Georges nous a livrés et que j'ai publiés dans le blog de l'Union des écrivains vosgiens, comme Françoise d'ailleurs, précédemment. Donc là, c'était au 12 avril 21. Ce blog a même dépassé les 22 000, quarantaine par jour de visiteurs. Donc, Georges Schneider rêve. Dormir et rêver, rôtir dans un four mort. Les yeux ouverts, la peau glacée, le papier froid comme l'air. Je frissonne, se serrer contre l'autre, je t'écoute et m'endors. Longues et souples, couleurs douces, dans l'image chaude de ma vie, ma main couvre son front lourd de désir. Et un autre poème qui nous avait lu, le froid. Le froid s'immisce dans les doigts, la tête et les poumons. La fumée jaune enveloppe le corps de mon stylo. Fils ténus, frissons évanescents, cris lointains de la chair tiède, colonne fragile du dos qui se courbe, le froid me gagne et je le sens. Marron qui brûle, la pomme creuse, le parfum lutte pour survivre. Dans la masse grise des souvenirs, je n'entends plus mes cris d'enfant. Jeunes ou vieux qui arrêtaient de vivre, la soupe chaude n'est pas servie. Rire pourtant quelque part on doit, même si ce n'est pas chez moi. Georges Schneider. Et nous terminerons effectivement par Alain Dargin, père de Yuva disparu, et c'est à la fois émouvant et vibrant de se souvenir artistique, musicale. Alors voici donc maintenant la dernière partie de cette émission consacrée à l'agora culturelle, nouvelle manifestation créée par Ralentir pour vivre des Voivres, association donc Ralentir pour vivre, et elle mettra en scène cette diffusion, eh bien c'était en visio bien sûr, mettra en scène des artistes bien connus ici comme Olivier Licari, Jean-Claude Vorgi, et moins connu, mais à découvrir, Auriel, artiste belge qui crée des musiques, Silence en danse, ainsi que des expos virtuels qu'on ne verra pas, mais qu'on entendra sur cette musique, de Sylvie Croze, artiste peintre vosgienne, et Segundino, également artiste peintre vosgien. Et ensuite, Maddy Besson, artiste peintre franc-comtoise. Alors, nous entendons cette fois la première partie de cette agora du 16 avril 2021. Bonne écoute. Bonsoir. Bienvenue à l'agora culturelle de ce vendredi 16 avril 2021. L'association Ralentir pour vivre organise en partenariat avec l'UEV, l'Union des écrivains vosgiens, une soirée ouverte à tous avec comme sujet le rôle actuel de l'art. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir des musiciens, Jean-Claude Vorgi, artiste vosgien, Olivier Dicari, également artiste vosgien, Auriel, qui est une artiste belge. Nous avons également des peintres, Segundino, qui est un peintre vosgien, avec son exposition « Aude à ma mère, à ma fille et aux femmes qui souffrent ». Nous avons également Sylvie Croze, peintre vosgienne, qui elle a une exposition qui s'appelle « La nature ». Et Maddy Besson, une peintre franc-comtoise, qui est avec comme sujet « Théâtre de la vie ». Ces expositions sont visibles sur le site de l'Union des écrivains vosgiens, ou sur le site YouTube que j'indiquerai plus tard. Ensuite, nous aurons des artistes qui nous présenteront des lectures de textes, entre autres une acrostiche de Françoise et un texte de Sylvie avec une minute décalée qui est relatée par Christophe et une conclusion avec une histoire soufie de Mireille. Dans l'intervalle, nous allons interviewer les artistes pour leur poser la question, le rôle actuel de l'art, puis ensuite les spectateurs. Nous nous réjouissons de passer ce moment avec vous et vous souhaitons une excellente soirée. Voilà, et donc là, nous avons ce soir, entre autres, alors je fais les présentations. Alors, nous avons Mireille qui fait du théâtre en papier. C'est comme ça que je peux te décrire, Mireille? Oui, oui, entre autres, quoi. Entre autres, voilà. Oui, il faut bien choisir quelque chose, quoi. Il faut un petit accroche, quoi, comme ça. Oui, oui, oui, bon, voilà. Voilà, et puis Pascal Corradini qui, lui, s'occupe, Mireille Guéin, et Pascal Corradini qui, lui, s'occupe de Épinal en transition, les ateliers autoconstruction, voilà. Ah, ouais. Voilà. Et qui est, bon, en même temps, il est prof, il fait plein de trucs. Mais pareil, on sort un petit truc, on va pas tout mettre parce que... Ouais. Sinon, on fera la soirée de Nouvel An. Hein. Allez, on la refait, allez. On la refait. Et puis... Béatrice. Ouais. Que je laisse se présenter parce que je ne saurais pas le faire. Moi, je suis bénévole à Troisième Rive. Ah, d'accord. Voilà. Il me semblait bien qu'on s'était vus toutes les deux. Bénévole où, j'ai pas entendu. C'est ça. Bénévole où? Au café associatif d'Épinal. Ah, Troisième Rive. Ah, Troisième Rive. Voilà. Bonsoir, Mickey. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Mickey. Salut, Mickey. Voilà. Alors, Mickey qui fait partie aussi de Troisième Rive, qui fait partie de Épinal en transition aussi, atelier de construction qui fait partie de beaucoup de choses. J'essaie de sortir juste un petit peu quelque chose parce que si on fait tout. Oui, bah, c'est bien ce que tu dis là. Je viens ici, je trouve que ton initiative est géniale. Donc, je suis contente d'être là avec vous. Voilà. Voilà. Alors, on va faire un tour. Hein. Soyons fous, hein, on y va, on retourne. Bon, alors, on fait ça toute la soirée, on se présente. Allez, mais on a fait ça la soirée de Nouvel An et elle était géniale, notre soirée. On s'est présenté toute la soirée, c'était parfait. Ouais, c'était... Alors, Sylvie Kroos, qui elle est artiste peintre, de laquelle on verra une, comment on dit, une expo. C'est, oui, merci. Merci pour qui me l'a soufflé, je ne sais pas qui. Pascal, virtuel. Voilà. C'est Gundino qui est aussi artiste peintre, duquel on va voir une exposition ce soir. Félicie qui va nous faire lire un petit texte avec. Ensuite, on a... je ne te ferai pas, Mickey, l'obligation de te présenter les trois personnages qui sont là. Oui, merci. Hein, parce que je pense que tu les connais bien. Ça va, ouais. Voilà. Je vais te présenter Domi, qui est la secrétaire de l'association. Voilà. Enchantée. Bonsoir. Voilà. Est-ce que je te présente Olivier? Non. Je le connais un petit peu, Olivier. Il me semble que c'est un visage que j'ai déjà rencontré aussi, mais je ne savais pas le situer, par contre. On s'est croisés l'autre jour au Voivre, tu allais chez Catherine, et moi j'en sortais. Ah d'accord. Il y avait plein de neige. Oui, d'accord. Avec Mireille. Ouais, c'est ça. D'accord. Bertrand, oui. Ouais. Voilà, et là, est-ce que je dois te présenter Jean-Claude Vorgy, Mickey? Je l'ai déjà entendu chanter. On se connaît. Voilà. Ensuite, Vincent, qu'on voit tout en bas, là, un tout petit bout de sa tête. Et Christophe, dont on ne voit que le corps. Ça y est, dont on voit la tête. Ah oui. Voilà. Vincent et Christophe, bon, c'est tout ça. C'est autour de l'Union des écrivains vosgiens. L'association Vivre et Créer à la montagne, l'association Recréer, un théâtre, enfin, voilà. Je pense que tu connais peut-être de nom Vincent Descombis, peut-être. Ça te dit quelque chose? Non, je ne connais pas. Mais... Bon, bah, alors voilà, bah, c'est une connaissance, voilà. Et de la Forêt Noire, nous avons Françoise, qui, elle, écrit et fait des acrostiches. Ok. Alors, les acrostiches, c'est quelque chose de très particulier. Mm-hmm. J'ai quand même été voir aujourd'hui pour être sûre que je comprenais bien ce que c'était. La définition. Poème dont les initiales des vers, lus verticalement, composent un mot. Mm-hmm. C'est ça, Françoise? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que j'ai présenté tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés en plus? Je ne sais pas. Vous pouvez le présenter? Oui. Alors, il y aura une autre personne qui écoutera aussi. C'est Tina. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je t'oublie et puis je suis tout oui. Ah, magnifique, splendide. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence dans quelques minutes, hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir commencer. En tout cas, je vois qu'il y a que ce soit deux personnes, il y a des gens qui se réunissent, et ça, c'est bien. C'est ça, faire, hein. Du lien. Du lien, voilà, c'est ça. Du bien. Du bien. Voilà, que le spectacle commence. Jean-Claude, je te laisse... La parole, ou plutôt la chanson, Les gens courent. Alors, c'est une chanson sur la vitesse, sur, euh,

gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel où tu régnas, et dans les profondeurs de l'enfer où vaincu tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour sous l'arbre de science près de toi se repose, à l'heure où sur ton front comme un temple nouveau ses rameaux s'épandront. Bravo! Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons voir Segundino qui va se présenter. Voilà, alors moi, je suis devenu peintre en 2014. Suite à une période de chômage suite à un problème de chômage et de mésentente avec les employeurs qui me trouvaient le boulot, j'étais en totale prise de tête avec eux. Et je ne dirais pas tout. Par contre, la peinture m'a sauvé d'une chute. Bien, très bien. J'ai trouvé mon compte. C'est bien. J'ai trouvé mon compte et j'irai même jusqu'à aujourd'hui, ça tient debout. C'est bien. Même si des fois je manque d'inspiration, je trouve toujours quelque chose pour une idée. C'est, mettons, j'ai raté 4 tableaux, le 5e, ça fait réussi. Alors, on va maintenant voir ce que fait Segundino et on va donc voir l'exposition que je vous invite à écouter également parce qu'elle est musicale aussi. Voilà, donc là, on peut applaudir, mais vous le faites, voilà. Voilà, Segundino. Je dois vous présenter une artiste belge qui s'appelle Auriel. Oui. Qui n'a pas voulu jouer ce soir parce qu'elle avait un empêchement et dont je vais passer une petite vidéo qui s'appelle « Silence, on danse ». Alors, voilà donc Auriel, « Silence, on danse ». Que l'on mange la poussière, nous on danse à pieds nus, c'est une forme de prière. Mazurka en jupon, pas besoin de paillettes, nous on danse au salon, sans tambour ni chaussettes. Silence, on danse. Quand on a tout perdu, des rêves jusqu'aux chaussons, nous on danse à pieds nus, c'est notre méditation. Ce qui peut nous sauver, ce n'est pas le numérique, mais la joie, la beauté, l'amour et la musique. Silence, on danse. Quand on a tout perdu, on oublie les factures et on danse à pieds nus, c'est notre seconde nature. La danse est un langage, une pratique universelle qui nous offre un voyage direct vers l'essentiel. Silence, on danse. tout perdu, que l'on mange la poussière, nouant dans sa pied nue, c'est une forme de prière. À tort ou à raison, sous la boule à facettes, on danse à la maison, sans tambour ni chaussettes. Silence, on danse. Voilà. C'est une artiste belge, oui, je trouve aussi magnifique. Une artiste belge qui a dit qu'elle peut-être elle passerait ce soir, mais donc elle a un empêchement. Elle est venue faire des stages de ressourcement pour composer, puisque moi j'ai un piano. Et donc elle est venue composer ici. Elle est restée assez longtemps. J'ai passé Nouvel An il y a 2 ans avec eux, tout un groupe. Et effectivement, elle est très militante parce qu'elle, on verra d'autres fois, j'aurai d'autres présentations à vous montrer, elle est vraiment très humaniste. Voilà, c'est une ancienne psychologue qui s'est recyclée complètement et qui est devenue pianiste itinérante. Voilà. Alors maintenant, ben, je ne présenterai plus Jean-Claude, mais c'est Jean-Claude qui va nous présenter les rendez-vous de poésie. Il n'y a pas assez de vent pour porter nos espoirs, pour dissiper les brouillards, pour inspirer nos répertoires et faire pleuvoir des tas de belles histoires. Il n'y a pas assez de vent pour attiser nos mémoires, pour ébouriffer les prétoires, pour balayer les mouroirs, pas assez de vent pour propager les savoirs, pas assez pour pousser nos balançoires. Alors j'écris, je pose des mots les uns derrière les autres, comme un chapelet d'épôtres, pour que cet assemblage puisse endiguer l'orage de ma rage, et qu'enfin la feuille blanche accueille ma revanche. Il n'y a pas assez de lumière pour dire au cœur de nos désirs l'empire du mot interdire, pour dire ce que cache de pire le moindre des soupirs, pour dire ce que peut assagir la force d'un sourire. Alors je chante, j'envoie des notes en l'air, long là, long l'air, comme des étincelles piquetant le silence, comme un feu, un flambeau, une danse. Il y aurait tant de mots à glisser entre chacun des grains de sable que les flots de nos vies ont dispersés en mille lieux inconnaissables. Il y aurait des phrases inachevées, endormies sous des lits de cendres, personne n'ayant jamais su retrouver cette folie qui les engendre. Va ton voyage, je vais ta vie. Coule ton regard sous les choses, les rendez-vous de poésie ne sont pas là où l'on suppose. Il y aurait des sourires égarés sur d'étranges chemins de lune, et dont la nuit se serait emparée pour faire le change à l'infortune. Il y aurait des histoires à glaner sous chaque corolle soyeuse, les fleurs nous disent avant de faner que la vie peut être joyeuse. Va ton voyage, va ta vie, coule ton regard sur les choses. Les rendez-vous de poésie ne sont pas là où l'on suppose. Il y aurait des nids d'oiseaux cachés dans le ventre des violoncelles et sous la rime d'un verre ébréché. Le début d'une ritournelle, il y aurait des puits d'humanité, certis dans le creux des fêlures, comme autant de soleil à inviter, là où la vie nous aventure. Va ton voyage, va ta vie, coule ton regard sur les choses. Les rendez-vous de poésie ne sont pas là où l'on suppose. Ne sont pas là où l'on suppose. Bravo! Bravo! Alors, je vous présente Sylvie Kroos, qui va se présenter toute seule d'ailleurs, et ensuite on verra son exposition. Donc, ben, rebonsoir à tous et vraiment merci à Catherine pour cette super initiative, idée, proposition, voilà. Donc, moi, je suis née en Haute-Saône, dans le département 70, en 1970. Et je n'y ai pas vécu, mais 50 ans après, la vie m'a emmenée à Luxeuil-les-Bains, la ville où je suis née, pour participer pour la première fois de ma vie à une exposition qui s'appelle « Art dans la rue ». Et en fait, moi, mon parcours en tant qu'artiste, je suis très, très modeste parce que je ne me prétends pas du tout être artiste peintre à l'heure qu'il est, mais bon. J'avais des prédestinations, j'excellais en art plastique au collège, à l'école, et je n'ai plus jamais rien fait pendant une trentaine d'années. Et j'ai vécu la moitié de ma vie en Alsace, l'autre partie en Dordogne. Et puis, je suis revenue il y a un an et demi dans l'Est de la France, après avoir pris 3 ans de cours avec une prof des cours d'art plastique. Et chaque semaine, on travaillait des thèmes. Et issue de ces 3 ans, en fait, j'ai fait des tableaux. Mais je n'ai plus rien touché depuis 3 ans. Donc, ils ont été présentés en septembre 2019 à Art dans la rue. Depuis que je suis à Épinal, je les avais mis au phonographe l'année dernière. Le lendemain, il y a eu le confinement. Ils ont été confinés à moi. Après, je les ai mis dans le cabinet d'une ostéopathe kiné à Golbey pendant un mois ou deux. Ensuite, ils ont été au cabinet médical des Forges. Et depuis, merci grandement à Catherine. Voilà, c'est un cadeau que ça circule un tout petit peu. Et j'espère juste qu'avec tout ça, bah, ça me permettra de racheter du matériel et puis de reprendre. Voilà, je n'ai pas trouvé de prof dans le coin. Voilà. Voilà. Alors, bravo. Voilà. Je vous expliquerai après ces expos. Vous pouvez les revoir aussi sur une chaîne YouTube si jamais. Voilà. Alors, nous en sommes avec Olivier. Avec Olivier. Je suis un fou, je suis un sage. À toi, Olivier. Je suis l'amour et le partage, je suis un fou, je suis un sage. Je suis le papillon qui vole au gré du vent, mais non frivole. Je suis la brise du matin, légère, aux brumes de satin, douce caresse parfumée, goût du souvenir exhumé. Je suis le soleil éternel qui fait tous êtres fraternels, qui toujours égal à lui-même ne sait que proclamer « Je t'aime ». Je suis un champ de blé que mûrit le feu de l'été, que la main viendra moissonner, main que le cœur a façonnée. Et la nature est économe, cinq épis reviennent à l'homme, un épi pour l'être diptère, l'autre épi retourne à la terre. Je suis, oui, la blanche farine, la pâte au creux de la terrine. Et je suis la main qui pétrit, le vin du pain, je suis l'esprit. Je suis une onde murmurante, intarissable et vivifiante, le sang précieux et incolore des univers multicolores. Je suis le regard de l'enfant qui s'émerveille en s'éveillant, l'âme que la beauté ravit infiniment, je suis la vie. Je suis un fou, je suis un sage, je suis l'amour et le partage. Bravo! Merci. Merci Olivier. Merci à vous. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous présenter Maddy Besson. Alors, Maddy Besson, voilà. Donc, Maddy Besson, ben, c'est le nom de ma grand-mère et c'est le nom que j'ai choisi pour peindre, pour écrire, pour enfin, parce que je fais pas mal de choses pour chanter aussi. Donc, voilà l'exposition de Maddy Besson. Alors, on y va. Toc, toc. Voilà. Ah ben, voilà. Donc, j'ai juste oublié de dire que je suis autodidacte et que je fais ça un peu comme Segundino. C'est de l'art-thérapie pour moi. Ça me permet, voilà, d'être bien. Je suis bien dans mon monde, voilà. Je vis dans mon petit monde. Eh bien, maintenant, nous allons écouter Jean-Claude qui va nous chanter une chanson que je trouve exceptionnellement drôle. Moi, je l'aime bien, surtout en ce moment. Je dirais que le contexte s'y prête. Et la chanson s'appelle Tamalou. Oh, vous pouvez chanter avec moi le refrain, c'est facile. Hein. Même si je ne vous entends pas. Quand on est jeune depuis déjà un bon moment, on sent venir comme une gêne dans certains mouvements. On a mal au cou juste en tournant la tête, ou des clous dans les genoux à la moindre grimpette. Et quand les hasards de la vie nous rassemblent, on se met à chanter tous ensemble. Tamalou, tamalou, boboula. Tamalou, tamalou, boboula. Tamalou, tamalou, boboula. Tamalou, tamalou, boboula. Il y a des discussions qui font beaucoup d'audience, excitant les passions, exhortant les tendances. Mais pour faire exploser le taux de l'audimat, il suffit de causer ménopause ou prostate. C'est comme le refrain d'une imparable chanson qu'on reprendrait à l'unisson. Tamalou, tamalou, boboula. Tamalou, tamalou, boboula. Tamalou, tamalou, boboula. Tamalou, tamalou, boboula. On trouve maintenant dans nos ordinateurs plein de renseignements concernant nos douleurs, plein de bonnes raisons qui apportent et ajoutent des justifications à nous dire à nos doutes. Sauvons-nous demain, prendre assez de hauteur, pour chanter du haut de nos déambulateurs. Tamalou, tamalou, tamalou, tamalou, tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. Tamalou, tamalou, bobola. La la la la la la la la la la la la. Voilà, c'était donc Vivre et créer à la montagne du 23 avril, Saint-Georges. Que la joie, que l'art, que la créativité fleurissent en cette Saint-Georges et annoncent un printemps meilleur, un printemps nouveau. Alors c'était donc, en attendant la prochaine émission, c'était donc cette diffusion pleine d'espoir. Rappelons que la prochaine fois nous marquerons l'événement du 26 avril qui sera la sélénite numéro 9. Le 26 avril, il y aura une lecture du texte de Svetlana Alexievitch, la supplication, lecture du prologue par deux femmes, puisque partout dans le monde, des femmes dans le monde entier s'associent pour lire ce prologue de la supplication. En rappel de Tchernobyl, bien sûr, malheureusement. Et il y aura des événements un peu partout, y compris dans les Vosges, ailleurs dans les Hautes-Vosges, mais c'est mondial et dans toutes les langues. Alors de tout cela, on en parlera dans 15 jours. Voilà, eh bien, en attendant, bonne soirée. Et aussi, ben tiens, dans un peu plus de 15 jours quand même, maintenant ça sera le 9 mai, la nouvelle marche fleurie, la quatrième, qui aura, je pense, un retentissement encore plus grand que les trois autres.